Elle prévient tous tes potos que je suis de retour gonflé à bloc. Les vautours qui me tournent autour, je les descends sans même un glock. Dans mes textes, y'a pas de haine, y'a pas de gun, y'a pas de drogue. Si jamais t'as un problème avec ma zik, oublie mon blog. Je suis pas là pour faire plaisir, j'vais pas changer juste pour ta gueule. J'aime pas les tasses qui te désirent pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Je suis pas ton pantin, si t'aimes pas, tu fermes ta bouche. Ne taille pas d'un air enfantin, car je te mets sur la touche. De retour pour bien te rappeler que tu te situes très loin des meilleurs. Je suis sûr que t'avais pensé que j'allais rouiller comme un petit joueur. Mais je me retrouve encore à faire tourner en boucle méga player. Et je te sens tellement dégoûté, rentre chez toi, bah c'est l'heure. Ça fait longtemps mais comme tu le vois, j'ai pas changé. J'ai toujours rap le même depuis que j'ai commencé. Je fais partie des spécimens qui font du rap osé. Toujours sensé avec une touche d'ego juste pour le fun, histoire de t'énerver. Mélomane au sort. Toujours là, toujours présent, toujours au top, toujours hors norme. Qui veut rivaliser, qui veut m'égaliser. Le vrai rap c'est le conscient, j'espère que t'en es conscient. Mélomane, sans arriver dans l'air rappé, tout comme celle du Big Bang. On ne lâche pas nos efforts, on crie dans le mic, on est fort. Le rap plus qu'un sport, tu quittes ta mort ou tu sors. Mon retour te désespère, ton rap à terre fait sa prière. Ça te fout le seum car tu réalises que ton talent est éphémère. Tous tes potes te soutiendront, te diront que tu tues sa mère. Mais tous les autres t'assureront qu'en effet il est un peu terne. Faudrait te mettre au vert, que tu te caches dans une caverne. Ne pense plus à une carrière, en quoi que ce soit, j'y mets un terme. Sans arrêt, je cherche un terme pour définir ton rap de deux mères. Regarde comment je déboîte, en résumé, je te mets la misère. J'arrive tel le ressort à pleine vitesse dans la visière. De massa, donc imagine tous les dégâts pour toi, mon frère. Ton rap est trop basique, il ne rend pas l'hip-hop magique. Simplement parce que tu rappes que pour faire style devant ta clique. Mon rap est fanatique, il veut toujours se dépasser. Le résultat est bénéfique, les gens me poussent à ne pas lâcher. Mon rap est frénétique, j'essaie de rester le plus sincère, le plus honnête et authentique possible dans ce monde d'hyper. Mélomane au sort. Toujours là, toujours présent, toujours au top, toujours hors norme. Qui veut rivaliser, qui veut m'égaliser. Le vrai rap c'est le conscient, j'espère que t'en es conscient. Mélomane au sort. Arriver dans l'air rappé, tout comme celle du Big Bang. Ne lâche pas nos efforts, crie dans le mic ou est fort. Le rap plus qu'un sport, tu kiffes à mort ou tu sors. Ton rap se croit balèze, mais franchement je le bats à l'aise. Quand j'arrive ça sent le malaise, les mecs comme toi sont mal à l'aise. Sur mon passage beaucoup balisent, beaucoup friment mais se taisent. Dans les parages beaucoup d'MC n'ont rien compris, c'est ma thèse. Ton rap essaie de plaire tant bien que mal mais il échoue. C'est clair que si tu parles de thèmes que personne n'aime, t'es dans les choux. Et des changements, t'en es où du coup? Mon rap te tourne autour du coup. J'aimerais savoir si des progrès y en aura ou pas du tout. Ton rap est trop gangsta, ton rap est trop dirty. Tu racontes n'importe quoi et tous tes textes ont fait de ski. Alors en secret tu t'inspires, tu ne fais que de pâles copies. Toi et tes sales copines, vous faites ce que je fais mais en bien pire. Ton rap ne sert à rien à part ternir l'image du hip hop. Le mien a pris de l'âge, tu sens comment il picote. Dis-moi quel est le but de raconter que du pipo. La merde elle est partout mais y'en a trop dans ton micro. Mélomane au sort. Toujours là, toujours présent, toujours au top, toujours hors norme. Qui veut rivaliser, qui veut m'égaliser. Le vrai rap c'est le conscient, j'espère que t'en es conscient. Mélomane au sort. Arriver dans l'air rappé, tout comme celle du Big Bang. Ne lâche pas nos efforts, crie dans le mic ou est fort. Le rap plus qu'un sport, tu quittes à mort ou tu sors. Jamais tu m'atteindras, jamais tu seras à mon niveau. Tu rappes tellement bas, c'est bien que tu racles le caniveau. Comme le pare-choc d'une caisse tunée par un Jackie-Bo. On t'a dit que tu rappais bien mais moi j'dis bof. T'as remarqué mon flow a quelque peu changé durant ma pause. J'essaie de perfectionner la manière avec laquelle je pose. Mon rap prend de la bouteille avec le temps et s'améliore. Alors que le tien tourne au vinaigre et résultat ça m'endort. De retour après deux mois je te claque de toi et tiens voilà un son qui te remet bien en place. Et bien en face je balance toutes mes phases, écoute bien toutes mes phrases. Surtout retiens mon blast, regarde j'embrasse. Beat à la claque subi par tous ces cas sociaux, c'est la mort. Tu dis qu'est-ce qu'il faut me faire qu'on rap vient de prendre 10 ans. Je voudrais pas te foutre la haine, je vais être franc mais bon disons. Je reviens prenant de la graine car toi et tes potes vous faites la peine. Et tous ceux qui m'avaient zappé, fuyez, criez amen. Mélomane au sort. Toujours là, toujours présent, toujours au top, toujours hors norme. Qui veut rivaliser, qui veut m'égaliser. Le vrai rap c'est le conscient, j'espère que t'en es conscient. Mélomane au sort. Arriver dans l'air rappé, tout comme celle du Big Bang. Ne lâche pas nos efforts, crie dans le mic ou est fort. Le rap plus qu'un sport, tu quittes ta mort ou tu sors.